Frédéric songeait à la pauvre Madame Arnoux, se figurant la médiocrité navrante de son intérieur. Il s'était mis au secrétaire, et, comme la voix aigre de Rosanette continuait, « Ah, au nom du ciel, tais-toi »« Vas-tu les défendre par hasard ?»« Eh bien oui, » s'écria-t-il, « car, d'où vient cet acharnement ?»« Mais toi, pourquoi ne veux-tu pas qu'ils payent ? C'est à la peur d'affliger ton ancienne, avoue-le !» Il eut envie de l'assommer avec la pendule. Les paroles lui manquèrent. Il se tut. Rosanette, tout en marchant dans la chambre, ajouta « Je veux lui flanquer un procès à ton Arnoux. Oh, je n'ai pas besoin de toi !» Et, pinçant les lèvres, « Je consulterai. » 3 jours après, Delphine entra brusquement. « Madame, madame, il y a là un homme avec un pot de colle qui me fait peur. » Rosanette passa dans la cuisine et vit un chenapan, la face criblée de petites véroles, paralytique d'un bras, aux trois quarts ivre et bredouillant. C'était l'afficheur de maître Gautereau. L'opposition à la saisie ayant été repoussée, la vente, naturellement, s'ensuivait. Pour sa peine d'avoir monté l'escalier, il réclama d'abord un petit verre. Puis il implora une autre faveur, à savoir des billets de spectacle, croyant que madame était une actrice. Il fut ensuite plusieurs minutes à faire des clignements d'yeux incompréhensibles. Enfin, il déclara que moyennant 40 sous, il déchirerait les coins de l'affiche déjà posée en bas contre la porte. Rosanette s'y trouvait désignée par son nom, rigueur exceptionnelle qui marquait toute la haine de la Vannaz. Elle avait été sensible autrefois, et même, dans une peine de cœur, avait écrit à Béranger pour en obtenir un conseil. Mais elle s'était aigrie sous les bourrasques de l'existence, ayant tour à tour donné des leçons de piano, présidé une table d'hôte, collaboré à des journaux de mode, sous-loué des appartements, fait le trafic des dentelles dans le monde des femmes légères, où ses relations lui permirent d'obliger beaucoup de personnes, Arnoux entre autres. Elle avait travaillé auparavant dans une maison de commerce,